ne sait pas de quoi est fait demain. L'avenir reste incertain. De toute façon, aurais-je trouvé les mots? Au moment venu, j'en sais trop rien. Passer 20 ans, je veux grandir et donner vie à ma relève. Parfois je me vois sourire quand j'imagine tes joues se poser sur mes lèvres. Je suis en guerre avec moi-même pour que t'aies la paix. Voilà pourquoi ta mère ne m'a pas encore appelé. Que vais-je dire, n'était qu'un résumé de mon histoire. Le commencement de plusieurs pensées à ton égard. Je souhaite le meilleur pour ta vie. Si mes rêves me font défaut, c'est pour que les tiens se réalisent. C'est pour ne pas te priver d'espoir, car c'est grâce à ça qu'on écrit son histoire. Quand nos regards se croiseront, je veux que tu y lises un amour sincère. Je t'apprendrai le pardon qui te servira à maîtriser ta colère. Je t'apprendrai à croire en toi, car personne ne le fera à ta place. Tu apprendras à avoir la foi pour pouvoir survoler les impasses. Et si c'était le dernier, c'est pour toi que je l'écrirai. C'est pour toi que je chanterai. C'est pour toi que je graverai ces quelques mots sur une chanson. Ce mélange d'amour et de passion. S'il était le dernier, je le ferais de la meilleure des façons. Je le ferais avec le plus grand soin, pour ne pas placer un mot de travers. Car je suis maladroit, un peu bourrin. Mais tu me changeras, je l'espère. Je confie ma vie à des feuilles blanches, histoire de faire passer ces nuits noires. Où ma gamberge souffre en silence, de ne savoir s'exprimer qu'à travers un art. Ne fais pas comme moi à vivre de ton stylo, car tu finiras par te renfermer sur toi-même. Des sentiments j'entraîne des kilos, mais ce point m'empêchera toujours de dire des je t'aime. Si mon cœur était un coffre, tu en aurais la clé, car tu serais le seul à posséder cette richesse. D'amour que je peux te donner, tu n'en manqueras pas, je t'en fais la promesse. Et si c'était le dernier, c'est pour toi que je l'écrirai. C'est pour toi que je chanterai. C'est pour toi que je graverai ces quelques mots sur une chanson. Ce mélange d'amour et de passion. S'il était le dernier, je le ferais de la meilleure des façons. S'il était le dernier, je le ferais de la meilleure des façons.